Chapitre 26. Question d'échange. Le 19 avril 1918 restera pour moi une date mémorable. Je venais d'être prié de me rendre à la commandanture. Un sous-officier qui avait reçu l'ordre de m'y accompagner m'attendait au rez-de-chaussée. De quoi pouvait-il s'agir? On avait eu maintes fois l'exemple de prisonniers appelés à la commandanture qui n'étaient jamais revenus chez nous, mais avaient été transférés dans une autre prison. Je pouvais être un peu inquiet, mais il n'y avait pas à hésiter, surtout quand il s'agissait d'un ordre donné par l'autorité militaire. En sortant de la prison, j'entamai avec le sous-officier une conversation un peu vague. « Mais, me dit-il, savez-vous pourquoi vous êtes appelé à la commandanture ?»« Oui, lui répondis-je. »« Qu'est-ce ? » dit-il. « Je vais être libéré. »« Eh bien, c'est cela. Mais je vous prie de ne pas desserrer les dents, car je serai fortement réprimandé, et même puni pour avoir communiqué cette nouvelle moi-même. » C'était la première fois que je me rendais à la commandanture. Je fus introduit dans une certaine pièce où je me trouvais en présence d'un officier, le capitaine Wolfe, le même qui venait à la prison de temps à autre, recevoir les dépositions des prisonniers. En tout ce qui regardait l'administration de la prison, c'est lui qui semblait faire le chaud et le froid. Cet homme a laissé un souvenir peu enviable chez tous les Anglais qui ont été mes compagnons de captivité. Quant à moi, je lui pardonnerais difficilement d'avoir ignoré et laissé sans réponse des douzaines et des douzaines de suppliques que je lui ai adressées pendant 3 années. Il était là, me regardant et ne disant mot. « Bonjour, monsieur, lui dis-je. « Bonjour, je vous ai fait venir pour vous apprendre que vous serez bientôt libéré. « Quand ? « La semaine prochaine. « Quel jour ? « Jeudi. « Au moins, est-ce que c'est bien certain ? « Comment ? « Je vous demande si cette fois ma libération est bien certaine. « Pourquoi me demandez-vous cela ? « Puisque je vous le dis, puisque c'est décidé. « Eh bien, je me rappelle qu'il y a 2 ans, vous m'avez communiqué à la prison une nouvelle semblable à celle-ci. « Et cependant, je suis demeuré pendant 2 ans encore votre pensionnaire. » Il promena vaguement son regard du côté du plafond, sembla chercher dans son passé s'il n'avait pas quelque chose à se reprocher. Puis, avec un léger sourire, il admit que c'était vrai, mais qu'en vérité, cette fois-ci, il était question d'un échange entre moi et un prisonnier allemand, en Angleterre. Les conditions avaient été arrêtées et l'échange devait se faire incessamment. Je n'avais rien à ajouter, si ce n'est de lui témoigner la satisfaction que j'éprouvais de sortir enfin de l'Allemagne. À une question que je lui posais, il me répondit que ma qualité de député au Parlement et de conseiller privé était cause de ma longue détention. Il ajouta que tous les documents, papiers, catalogues, livres, correspondances, etc., etc., imprimés ou manuscrits, qui pourraient m'être utiles et que je désirais apporter avec moi, devraient être soumis à la censure à Berlin. De retour à la prison, je me mis donc à faire un triage de mes paperasses, livres et lettres reçus pendant ma captivité. J'en fis un paquet assez volumineux que j'envoyai au censeur. Tout cela fut minutieusement censuré, placé sous enveloppe, soigneusement scellé et paraffé, et me fut renvoyé à la prison. Cela se passait un samedi. Le lundi suivant, le premier lieutenant Bloch, qui commandait à la prison, arrivait à ma cellule en toute hâte, me disant « J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le gouvernement allemand vous fait offrir par mon entremise de passer en Hollande par la Belgique, afin de vous donner le plaisir et l'avantage de rendre visite à vos enfants. » qui demeure près d'Anvers. On attend de vous une réponse immédiate à ce sujet. Ma réponse, lui dis-je, sera courte. J'accepte avec remerciement. Il y avait alors 3 ans que j'avais quitté Capellen, et je n'avais jamais reçu la visite de ma fille et des enfants de ma femme qui y étaient demeurés. Cela prendra bien encore quelques jours, dit l'officier, vu qu'il faut prévenir les différents postes militaires en Belgique par où vous devez passer. Je n'ai pas d'objection à attendre 1, 2 ou même 3 semaines pour avoir ce précieux privilège de revoir mes enfants avant de passer en Angleterre. Je vais communiquer votre réponse au ministère des Affaires étrangères. 3 jours plus tard, ce même officier m'apprenait qu'il avait été choisi pour m'accompagner à Bruxelles et jusqu'à la frontière de Hollande. Il semblait particulièrement heureux d'avoir été choisi, et quant à moi, je n'avais rien à dire. J'avais eu des relations fréquentes avec cet officier depuis plus de 2 ans. Et il m'était plus agréable, évidemment, de voyager avec quelqu'un qui m'était ainsi familier, et qui, en somme, avait uni ses efforts aux miens lorsque j'avais tenté de me rendre au chevet de ma femme mourante. J'attendis pendant une longue semaine, suivie d'une autre longue semaine, lorsque le même officier se présenta de nouveau, mais avec une figure sombre, me laissant assez prévoir qu'une nouvelle tuile allait m'être lancée sur la tête. « Une mauvaise nouvelle, lui dis-je ? Oui, une mauvaise nouvelle, vraiment. » Je sais ce dont il s'agit. On refuse maintenant de me laisser passer par la Belgique. Vous l'avez dit. Alors je ne pus réprimer un léger mouvement d'impatience et de contrariété. Comment pareille chose peut-elle arriver? Ne m'avez-vous pas dit que le gouvernement allemand avait décidé de me laisser passer en territoire occupé pour voir mes enfants? Oui, répondit-il. Alors, quel est donc ce pouvoir supérieur qui est en position de désavouer une décision prise par le gouvernement? C'est l'autorité militaire. Eh bien, lui dis-je, et un peu sèchement, quand nous partirons-nous pour la Hollande? Aussitôt que vous voudrez. Alors nous partirons ce soir, ou nous partirons demain, enfin le plus tôt possible. Le départ fut enfin définitivement fixé au vendredi soir, le 9 mai.